MySpace.com. J'suis l'homme boom, là je rentre dedans. Tu me cherches l'embrouille, t'as pas le béguin. Rien que j'ai des beats, prends pas que j'béguais. Pris par la fin du gain. Le rap français enfile des strings, prends peur. Un coup de pagaie, j'prends la ficelle et j'les étrangle. MST, c'est le dossard que j'ai endossé. En 2008, on a les armes et lance l'assaut. Tu craches dessus, ça crampe mystère, j'balance la sauce. C'est double S, on se fait des passes. Depuis cet envoi là, tu sais qui pose à l'envolée. Ici les campagnards, j'rappe pour m'évader. Rare le comprennent, c'est évident. Marque cette vie de merde, c'est énervant. Fini l'époque où on était tous morveux. On sortait tard, mais nos merveilles. Croyant que le monde est une merveille. Plus grand, on s'énerve vite à croire qu'on est tous nés par césarienne. Entourés tout petits par des aliens. Ce qui nous salit, c'est que le vice nous alliait. Avec l'alcool et shit, on s'aliène. D'où une alliance, on pillard, on s'est plus confié. La poisse une pieuvre, et on peut plus confier. On peut plus confier. Je m'en boire de l'âme du peuple, histoire de dire que je pense libre sans contrainte et son apport qu'elle sente. Il me semble que le poids des mots vaut plus cher que l'or. Donc je les assemble, les idéaux, face qui sur ce son sort. Donc j'insère la vérité là où remplacé par le mensonge. Même dans l'actualité, la preuve passe dans leurs images. Alors je songe. Et chaque jour je gamberge, me plonge sur ma feuille pour pas m'éloigner du rivage. Franchement frangin, toi t'as pas envie de changer, d'arrêter de voir des gens sans rien manger. Dis-moi t'as pas marre de pas pouvoir l'ouvrir à bon escient, vu que c'est pas toujours apprécié. Si l'on rappe c'est pour exprimer un problème précis. Donc j'ai un peu oppressé, même en devenir trop stressant. Je veux juste dresser la langue française sans être embarrassant. J'aimerais cesser ce manque de dialogue qu'amène sans paix, sans sens de la paix à la guerre ou de se noyer sous la drogue. Dans cette vie, trop de fois j'ai voulu faire mes bagages. Car elle et moi nous n'avions pas le même langage. Mais j'ai appris par moi-même que les choses changent. Je ne m'en suis en fait en sorte qu'on reste sage, que tout calme et s'arrange. Car déjà à mon âge, trop de faits marquants dans lesquels j'étais impliqué m'ont rendu barge sans avoir le moyen de m'expliquer. Qu'à part les formules adéquates pour me libérer de toutes ces douleurs qui dans mon être squat. Donc c'est pour cela que j'écris, crier ma peine et ma rage. Le cri venu du fond du cœur qui donne l'espoir et qui soulage. Au lieu d'aller voir les anges avant la fin de mon temps, donc à présent je me range. Ma parole larme ou l'âme dans cette leçon comme le sang. Quand je rappe c'est un moment que j'avoue, c'est vrai souvent je parle mal j'avoue. Je suis atteint de la maladie d'amour comme Charles Aznavour. En ce qui me concerne, y'a que le rap qui me concerne. Je veux faire des petits concerts, je te sers un pur dessert. Pas une choucroute en bois de conserve, mes rimes brillent comme quand tu cires une paire de mocassins. Je m'inspire de tout le monde pour écrire, même de chaudassins. Pas besoin de te faire un dessin, j'ai les trois lettres ancrées dans l'âme parmi ma mif, mes traps. J'oublie pas ma femme, je suis fidèle à tout le monde, je suis pas une salope. Alors si un jour je fais des gosses, ça sera pas juste pour les alopes. Je suis sérieux quand je dis ça, je laisse tomber l'ironie. Et si on nous met dans le vent comme un flip-flap de Ronnie. Du coup je suis épaisé, je peux plus allumer mon briquet. Il me donne envie de pécher comme un petit cabus du tourniquet. Le pire c'est qu'on peut pas contrer Sarko et ses sous-traitants. Le virus je veux pas le pécho, donc tous les jours je suis sous traitement.